Je sais que je suis pas un ange, mais avec toi j'suis au paradis. J'veux tout savoir de toi, tu peux me comparer à un paparazzi. J'flotte sur mon nuage, pourtant y'a plus de jour de pluie. Y'avait un grand froid dans ma vie, mais avec toi j'suis toujours au chaud depuis qu'on s'est rencontré. J'voudrais que ça dure toujours à vie. C'est malade comment qu'à chaque fois j'te vois, j'suis toujours à vie. T'es plus que same kick, t'es mon amour, ma vie. Mon cœur était alloué, mais t'as mis à jour mes prix. Tu m'as appris à m'aimer moi-même quand j'vivais mon propre mépris. J'ouvre ma boîte de réception, j'suis happy face mon love m'écrit, je crierais ton nom si tu pourrais entendre mes cris. Je crierais que je t'aime, tu m'as offert ton amour, pis moi je l'ai pris. On se connaissait à peine, mais on a la vie pour ça. Je donnerais ma vie pour toi, c'est pour toi que je reste en vie. Je me fous que t'habites dans un champing, moi je reste en ville. Ça prend du temps pour se voir, mais c'est en file à une vitesse trop lente, qu'est-ce que t'en dis? Même si je défaisais en morceaux avec toi, je reste entier. Je veux rester avec toi jusqu'à temps que je mette un dentier. Si tu penses que si je reste sans toi, je mentir, tu trompes, je pourrais dire ça. Mais ça serait de mentir. Fais pas passer un same jour sans dire que je t'aime comme un fou. Même ça tu peux le sentir. Tu dis que c'est comme un rêve, je voudrais jamais me réveiller. À moins que ça serait en pleine nuit pis que je te vois près de mon oreiller. Si tu veux tu peux te vanter que le bonhomme t'a écrit un track juste pour toi. Mais moi je peux me vanter d'avoir trouvé la perle rare, un nom juste pour moi qui fait battre mon cœur, et ça juste pour toi. Je sais que c'est juste un texte écrit, mais n'empêchez mon amour, je décris. Love you so much, je me rappelle plus si je l'ai dit. Pour toi, mon amour est plus gros que les Yeti. Si j'aurais le choix de voyager dans mon, je resterais ici. Pour ne jamais cesser de te voir, mon homme, cette heure va dehors, le test, c'est son devoir, je ferai tout pour toi. Question d'avoir la fille la plus parfaite, sans que ça soit juste question d'un soir. J'en plus mes jambes, so laisse-moi m'asseoir. Tu me rends tellement fou que je suis tout étourdi en disant t'aimer, sans doute que je t'ai tout dit. En termes de temps, notre couple est tout petit, mais est assez solide, se coupe les outils. I love you. Je t'aime plus que tout, ton sourire est contagieux plus que l'atout. Je t'aime grand comme ça, pis crois-moi que c'est grand. Je t'aime en crise si je peux te le dire en sacrant. Pour moi, t'es la seule personne qui compte. Mon love est déjà plus fort que King Kong. Mélanie, je t'aime plus que King Kong. Yeah. Ce track-là, c'est en l'honneur de quoi? Rien de spécial. Juste en l'honneur que je t'aime fort. Mais plus que tout, plus que tout. Puis tu le sais, je te le répéterai jamais assez. I love you. Fort, fort, fort.